Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Julie Douarin. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette quatrième saison du podcast 2030 Glorieuse, on est à nouveau soutenu par la NEF. Et d'ailleurs, la NEF, en ce moment, elle a le projet de devenir une banque éthique indépendante et elle est en pleine levée de fonds. Ça s'appelle le mouvement du Big Bank et vous pouvez y participer en achetant des parts sociales de la coopérative. Il y a déjà 13 millions d'euros qui ont été levés et plus de 3000 sociétaires qui ont rejoint la coopérative, ce qui lui donne un bel élan pour continuer à développer et à soutenir toujours plus de projets écologiques, sociaux et culturels. C'est vraiment la banque des 2030 Glorieuses. Voilà. Aujourd'hui, je suis heureux de vous faire rencontrer Julie. Toi, Julie, tu es agente immobilière, tu es fondatrice de Realtech RT, ou en français même Realtech RT, tu me diras comment ça se prononce, qui se positionne comme la première société d'influence dans le domaine de l'immobilier. Ensemble, on va parler de besoins de base, de comment remettre le marché de l'immobilier à sa juste place et du logement comme espace de libération plutôt que d'accumulation. Mais pour commencer cet échange, Julie, moi je te pose la question que je pose à tous mes invités au début de notre discussion. Imagine, tu es à un événement où tu rencontres de nouvelles personnes et arrive la question fatidique. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu leur réponds? Moi, je réponds que je m'occupe de crier sur des patrons de l'immobilier pour qu'ils aient une meilleure vision. C'est-à-dire? C'est-à-dire que donc ma société Realtech RT, si on la prononce à l'anglo-saxonne, a pour mission, outre le fait de travailler l'influence, mais l'incarnation. Et dans l'incarnation, tu as cette partie de vision, et je m'aperçois depuis des années que beaucoup de patrons immobiliers dans le monde ont une vision qui ne correspond absolument pas à ce que demandent les diverses populations sur lesquels ils ont un impact. Et mon vrai boulot, en fait, c'est de leur dire, par exemple, là, il y a un problème, tu parles pas d'éco-responsabilité. Là, tu vas pas toucher telle ou telle partie de la population parce que dans ton discours, en tout cas dans tes idées, on te sent pas sincère ou en tout cas, tu n'abordes pas les sujets qui sont importants pour la clientèle. Donc, je remets les choses en place, voilà. Ouais, tu remets les choses en place. Je sais, tu vois, alors moi, ces cases d'influence, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'on s'est rencontrés comme ça sur un plateau où du coup les journalistes n'arrêtaient pas de te dire voilà, tu es influenceuse immobilière. Pour moi, ça veut non seulement rien dire, mais en plus j'avoue que j'ai un peu maintenant ce biais d'interprétation négatif lié à l'influence et je trouve que c'est une case qui correspond assez mal à ce que tu fais réellement. En général, on se définit beaucoup, voilà, en prenant les étiquettes qu'on a construit nous-mêmes un peu aussi avec la société. Moi, j'aimerais bien plutôt que tu m'aides à définir ton métier selon la vision que tu défends. Et donc, est-ce que tu dirais que tu es agente immobilière terre à terre? Est-ce que je sais pas comment le dire, tu vois. Est-ce que toi, t'as un terme qui viendrait nous aider à comprendre exactement ce que tu fais plutôt que d'utiliser, voilà, ces termes d'influence et les trucs qui font bien en marketing mais qui veulent rien dire, en fait? Alors, elle est marrante ton observation parce que j'aime pas qu'on m'appelle influenceuse. C'est un prix que j'ai eu il y a quelques années et comme toi et comme beaucoup de personnes, en fait, il y a un côté négatif parce que j'avais dans ma conscience les images des influenceurs qui placent des produits, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je place des idées et qui permettent, en fait, d'aborder l'immobilier de manière beaucoup plus éthique. De revenir aux fondamentaux, par exemple, qui est le tissu sur lequel on habite avec ses habitants. J'ai une vision très sciences humaines parce que je suis diplômée de sciences humaines. C'est mon premier diplôme. Et pour moi, tout, en fait, s'imbrique. Histoire, géo, démographie, sociologie. Et tout ça, ça donne une société. Et la société, elle a besoin de se loger. Donc, on a besoin de construire de l'habitat. Après, il faut regarder comment ça fonctionne. Et moi, mon job, en fait, c'est de faire avancer les lignes auprès des dirigeants pour qu'ils remettent véritablement au centre de leur interrogation et de leur société, en fait, ce qu'est cette notion d'habitat. Donc tu es à la fois poil à gratter, éclaireuse, et en fait un peu là tu tournais autour du mot éthique, éthicienne de l'immobilier en fait. On pourrait dire ça. Alors on m'a dit il y a quelques jours, mais ce que vous faites c'est de l'activisme ou du lobby. Et finalement, je me suis dit, alors le lobby c'est comme l'influence, hein. C'est des gros mots, voilà, c'est des mots qu'on n'aime pas trop. En tout cas, moi, je n'apprécie pas plus que ça. Mais finalement, activiste ou militante sur le public immobilier pour que ça corresponde à ce qu'attendent finalement les habitants de la planète, oui, ça peut être ça, militante activiste sur un immobilier plus correct, plus lisible. Et tu me posais la question sur l'influence, ou en tout cas tu faisais cette réflexion sur ce fameux terme que tu n'aimes pas et que je n'aime pas d'influenceuse. Sachez que depuis que nous nous sommes vus, j'ai participé à la loi sur l'influence. On m'a demandé, puisqu'il y a une loi qui est en train d'être présentée et qui normalement devrait être mise en place en juillet, qui en tout cas, a vocation à réguler les 150 000 influenceurs et ce qu'ils vont délivrer comme contenu. Donc, je faisais partie du petit panel de personnalités qu'ils ont définies sur les médias sociaux. Et en discutant avec des personnes qui étaient dans le panel, et notamment des instances de régulation, tu t'aperçois, il y a quand même un monsieur qui me dit « Mais alors, l'influence peut être vertueuse. » Comme le lobbying peut être vertueux, tu vois. Exactement, en fait. Exactement. Et oui, mais on est quand même. Il a eu cette réflexion que tu as eue il y a quelques minutes, à savoir, j'aime pas l'influence, mais en tout cas, j'ai ce biais cognitif qui fait que, on me dit le mot influence, je pense X ou Y personne dans tel programme de télé-réalité ou tel type de placement de produit, tu vois. Elle était intéressante cette conversation. Vous pouvez la retrouver sur une plateforme qui s'appelle BeJuicy, qui est une plateforme européenne et qui a vocation à être plus vertueuse que Twitch. Donc, elle est nouvelle. Et c'est un débat qui était en public et retransmis à l'étranger, également pour les Français expatriés. Bah, on le partagera au moment de relayer l'épisode. Julie, tu me renverras le lien et comme ça, on le mettra dans les commentaires. J'aimerais qu'on s'attarde, mais très, très rapidement, parce que j'ai l'impression que c'est évident pour tout le monde. Et à la fois, je me pose la question de savoir justement si c'est évident pour tout le monde, de se dire, bah voilà, pourquoi il y a besoin d'éthique dans l'immobilier? Qu'est-ce qui fait que c'est aujourd'hui hors sol? Moi, tu vois, j'avais presque un peu tendance à dire que finalement, l'immobilier, ce marché de l'immobilier, c'est un peu un miroir grossissant de la société et de toutes ses dérives. Mais est-ce que tu peux nous dire, voilà, en deux, trois chiffres faits, à quel point c'est fracassant, à quel point c'est déconnecté, à quel point c'est complètement voilà, à l'opposé des enjeux de notre siècle. Alors, il y a quelques petites notions à avoir, mais c'est vrai, on vient d'avoir la semaine dernière, ou en début de semaine, une nouvelle version du rapport du GIEC, et quand nous nous sommes rencontrés tous les deux, je t'ai dit, voilà, sur le plateau, dans certaines écoles, maintenant, on l'étudie le GIEC, ce fameux rapport du GIEC. Donc ça, on ne le faisait pas avant. C'est-à-dire que quand on fait 1,2 million de transactions par an, bon là, sur les deux dernières années qui étaient des années qu'on appelle extraordinaires, puisqu'il y a des chiffres, il y a des mutations, il y a un flux migratoire différent, il y a des gens qui quittent les villes pour les campagnes et vice-versa, c'était nécessaire d'avoir en tête ce qu'était ce fameux rapport du GIEC. Pour vous donner, en fait, l'exemple le plus probant de cette décorrélation du monde immobilier avec la société, c'est un événement qui s'est passé il y a 3 semaines. C'est le jour de la remise du rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui est le rapport institutionnel, en fait, qui nous donne vraiment la tendance de ce qui se passe dans les rues, pour les foyers dits modestes, même si je n'aime pas du tout ce terme, ou foyers moyens. Et au même moment, il y a une blague, d'ailleurs tout le monde croit acteur de l'IMO comme journaliste que c'est une blague et ça n'en est pas une. Il y a une autre info qui sort, mais à quelques minutes. Et le monde de l'immobilier, en fait, se focalise sur cette deuxième nouvelle, qui est un coup de com d'une agence immobilière peu vertueuse qui dit, l'annonce en pleine vitrine dit 26 mètres carrés ressentis quand l'appartement en fait 11 mètres carrés. Donc ça, pour moi, c'est très très loin de ce que normalement on devrait faire d'un point de vue légal. C'est pas normal que ce type d'annonce passe avant cette remise de rapport qui est publique, hein, et dans toute la journée, les gens ne parlaient que de ça. Au lieu de se dire, au lieu de relayer, ça nous fait pas rire, mais il faut qu'on dénonce ce truc-là et il faut peut-être mieux qu'on parle de la Fondation Abbé Pierre. Et ben tout le monde a relayé cette petite chose. Et derrière, j'ai certaines télés qui m'ont appelé, des chaînes que moi je n'aime pas plus que ça, en me disant, faut venir commenter ça. Et j'ai répondu en disant non, parce que aujourd'hui, il y a un rapport qui vient de sortir. Et moi, je veux bien venir si on ne parle que de ce rapport. Par contre, me demander de venir pour ça, ça veut bien dire que vous voulez faire du buzz. Mais c'est pas du tout ce qui touche les Français. Effectivement, on est dans un milieu qui est bien hors sol. Et là, en l'occurrence, ça représente assez bien ce qu'on est en train de vivre à l'échelle de la société, puisque au moment où le rapport du GIEC est sorti, et là, maintenant, on est le 24 mars, donc une toute petite semaine après la sortie de ce rapport, et j'avais vu passer ce chiffre qui disait qu'en fait, comparé à la réforme des retraites, et ça a sans doute dû bouger encore, mais que c'était un rapport de 1 à 10 en termes de mise en avant de ces chiffres qui sont pourtant mondiaux et éminemment importants. On pourrait parler d'artificialisation des sols, on pourrait parler de spéculation, on pourrait parler en plus, pourquoi pas, de blanchiment d'argent, on pourrait parler de tout un tas de choses, on pourrait parler de nouvelles formes de ségrégation de classe, de religion. Il y a plein de choses qui sont liées au secteur de l'immobilier, et à la fois on peut pas non plus faire reposer sur ses épaules qui sont quand même assez larges tous les maux de notre société. C'est vrai qu'on peut pas lui demander de tout porter. Néanmoins, il y a beaucoup de choses perfectibles depuis que nous nous sommes croisés. Là, on parle d'être humain. Donc, on m'a demandé de faire un article, notamment. On a une petite chose qui s'appelle un code de déontologie dans l'immobilier. On fait partie de ces professions réglementées comme les professions juridiques et professions médicales. Ça, les Français le savent pas. Et dans ce code de déontologie, on a une petite chose qui s'appelle la lutte contre les discriminations, qui est, de mémoire, c'est entre 10 à 12 articles. Ça touche au fond et à la forme du métier. Ils ont rajouté un peu de code de la consommation. Il existait déjà il y a très très longtemps, puis il a été retravaillé au moment de la loi Allure, donc 2016. Et moi, j'ai croisé, ça fait longtemps en fait que je suis différents types de magazines qui représentent la société, et j'ai été contactée par un magazine qui est très très connu en France par différents Français, qui s'appelle Têtu. Et Têtu, ça fait très longtemps que moi je vois dans certains bureaux soit une difficulté sur des clients dont on ne souhaiterait pas passer les dossiers, soit des difficultés sur le recrutement. Têtu aujourd'hui touche toutes les communautés, puisque ça là aussi beaucoup évolué, ça touche sur un article qu'on a en commun dans le code de déontologie, à savoir qu'on doit servir un être humain, quel que soit son genre, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines. Et j'ai fait une interview avec eux qui sortira dans quelques semaines sur ce sujet, et c'est vrai que de temps en temps, je vais quand même, et de plus en plus, sur des sujets sur lesquels les autres vont pas. Et les journalistes de Têtu m'ont dit, ça fait longtemps, en fait, que on regarde un peu ce que vous faites, parce que on sait que vous avez eu des prises de parole très humaines sur différents sujets, et que vous n'avez pas honte, ou en tout cas, vous vivez dans la société actuelle. C'est quand même fou, Julie, excuse-moi, je t'interromps, mais effectivement, tu vois, tout à l'heure, tu disais, je suis activiste, je suis militante pour ce sujet d'immobilier. Ça paraît tellement fou de mettre, d'accoler un terme, deux mots comme cela, que au début, tu vois, je voyais un peu ce que tu me proposais comme un grand écart pourquoi pas, peut-être un peu surjouer. Et en fait, quand tu dis que l'immobilier, finalement, c'est comme le juridique, c'est comme la santé, ça fait partie des besoins de base de l'être humain et pour lui assurer une vie décente. Mais finalement, l'immobilier a tellement été accaparé par le marché qu'on est prêt presque à accepter tout et n'importe quoi pour un milieu qui, en réalité, permet aux gens d'avoir une vie stable et décente parce qu'ils ont un toit qui leur permet d'accueillir une famille, etc., etc. On va pas trop rester quand même sur ces notions là de négatives, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui les ont en tête, mais surtout moi, tu vois, qui te donnais la parole, parce que une des phrases que tu avais prononcé quand on échangeait ensemble qui m'avait marqué, c'est de dire que toi tu voulais plus d'accessibilité, tu voulais limiter l'entre-soi dans l'immobilier, tu voulais faire en sorte que cet immobilier il permette de revenir en fait, il se remette à dans son rôle originaire de finalement favoriser une humanité qui crée du lien. Comment tu travailles à ça? Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu travailles à ça, s'il te plaît? Alors, avant de vous expliquer comment je mets en place mon travail, je voudrais juste revenir, parce que tu l'as peut-être pas, l'information. Moi, j'ai commencé par le logement social. Donc, j'étais pas faite pour l'immobilier, j'avais pas du tout ça en tête. Et j'ai passé ma vie à me former sans arrêt et à changer et à basculer dans différents types d'immobilier. Donc, j'ai une vision très, très globale de tout ce qui est proposé en fait à l'être humain sur ce type, que ce soit logement, habitat, transactionnel, qu'on soit locataire ou voilà. Donc après, dans mon travail, c'est vrai que je suis connue pour être très axée sur la réglementation, pour éviter les polémiques. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, pourquoi finalement je me retrouve dans cette fameuse mini convention avant que la loi soit proposée, j'ai été choisie pour l'éthique et pour en fait le côté neutre de mes articles. Donc il y a des, quand on me connaît bien, quand on connaît mon travail, on a le deuxième message, parce que j'écris en fait aussi des posts qui sont des mini tribunes. Mais moi, je pars du postulat, comme tu le dis aussi parfaitement, et c'est pour ça que on a eu envie d'échanger tous les deux, que l'immobilier doit appartenir, le logement doit appartenir à chaque individu sur cette planète. Qu'on ait une cabane éco-responsable, une tiny house, un appartement, une maison dans les Cévennes ou un appartement en HLM, c'est pas normal qu'on n'ait pas réussi à avoir une proposition qui corresponde et qui soit équitable et qui soit surtout utilisable d'entrée de jeu pour chaque individu, déjà en France et puis après dans le monde, hein, clairement. Donc moi, je travaille là-dessus avec, donc d'abord, il y a la partie sur les patrons, il y a la partie dans les médias. Moi, je vais de plus en plus dans des médias, finalement, qui à la base peuvent passer, ou en tout cas sont ressentis comme des médias à sens ou à message fort. Je veux plus forcément être dans certains médias qui sont, je dirais, trop neutres ou qui ont juste envie de faire du buzz. Moi, ça m'intéresse plus. Et puis, il y a la partie aussi dans les écoles, puisque moi, je travaille beaucoup avec la jeune génération, les jeunes pousses. Et je m'aperçois depuis maintenant 4 ans, et c'est grâce aussi à eux, hein, finalement, que j'ai ma ligne de travail. Ils ont cette envie de se réapproprier cette notion de logement, et ils comprennent pas ce qu'on a fait du tout. Donc c'est eux qui m'ont parlé en premier de l'éco-responsabilité, alors qu'il y avait très peu d'articles dans l'immobilier ou dans les magazines dédiés à l'IMO ou aux sociétés plus. C'est eux qui m'ont dit, mais madame, nous, on veut vivre avec tous nos camarades et en fait, on comprend pas pourquoi telle ou telle personne n'est pas traitée de la même manière. Et petit à petit, du coup, de nos échanges, et encore hier soir, j'ai fait venir certaines jeunes pousses à une soirée officielle, et je ne parle pas à leur place, j'ai pas l'envie. Donc, on m'a posé la question sur eux hier soir, et j'ai dit, mais ils sont là, posez-leur la question, c'est leur génération, pas la mienne. Et ça me fait avancer. Justement, de tout ce que tu vois, toi, Julie, là, Et puis ensuite, on va voyager ensemble en 2030 glorieuse, mais quels sont les signaux faibles de ce qui devrait se normaliser en 2030 glorieuse? Quelles sont les initiatives dans le milieu de l'immobilier qui permettent justement de remettre de l'humanité dans ce marché, de faire en sorte qu'on puisse mieux vivre ensemble avec des personnes différentes de nous et en plus en limitant au maximum l'empreinte de ce secteur qui est, je le rappelle, avec les transports, le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France? Alors hier soir, il y avait une soirée qui réunissait pour la première fois en France les femmes de l'immobilier, de la construction à la PropTech. La PropTech, en fait, ce sont les applications ou la technologie dédiée à l'immobilier. Il y avait les femmes de l'immobilier à impact, et ça, c'est important parce qu'elles sont jamais invitées. Et sur scène, j'étais à côté d'une jeune femme et j'ai beaucoup pensé du coup à notre podcast. Qui elle est dans la promotion immobilière et elle vient de lancer une promotion immobilière à contribution. Donc, elle crée des copropriétés aux normes écologiques et finalement, le locataire, le propriétaire deviennent acteurs. Il n'y a plus cet aspect de « je subis ». Alors, elle est rennaise, donc ça commence encore en Bretagne. Souvent, ça commence dans des régions qui ont protégé, en fait, au niveau de la construction. Moi, je suis bretonne, donc on a fait très attention quand même de pas se faire avoir il y a quelques années avec nos amis promoteurs. Donc, on est très attachés à ça. Je pense que les signaux faibles, la construction éco-responsable. Il y a beaucoup de promotions immobilières aujourd'hui, pas les gros, hein. C'est des nouvelles promotions. Et c'est en général des femmes d'une trentaine d'années. C'est soit les matériaux qui changent complètement, soit de ce qu'on a, moi j'appelle l'IMO à impact solidaire, donc de la contribution. Et on a aussi, et c'est la première fois qu'on se rencontrait entre femmes de la construction, femmes de la commercialisation et femmes de la gestion. On n'est jamais mélangé dans les salons, en fait. Et c'est pareil pour les hommes de l'immobilier. C'est soit des salons constructeurs, soit des salons commercialisation. Et je pense que c'est un tort. Et j'étais très contente que cette soirée finalement existe parce que je pense qu'ensemble, on va être en capacité de se dire ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y avait la fameuse école dont j'ai parlé il y a quelques temps qui a le premier bachelor sur l'éco-responsabilité et l'immobilier tech. Donc c'est le seul en France, c'est lancé en septembre. Et on voit que nous, on a cette envie et d'avoir la juste valeur entre un immobilier qui va être respectueux de l'environnement, qui fera qu'on va vivre plus longtemps, mais également, on sent que les gens sont pas encore prêts à se priver, par exemple, de la tech à outrance. Moi, c'est ce que j'ai retenu hier soir. C'est-à-dire que j'étais très contente sur la partie éco-responsable. Par contre, sur la partie tech, je réfléchissais à ce qu'on produisait en envoyant des mails, en utilisant les applications, en machin. Je me disais, mais en fait, ça, c'est pas éco-responsable qu'elles sont en train de me proposer, tu vois. Donc ça, c'est perfectible pour moi. Mais justement, Julie, tu vois, on va aller en 2030 glorieuse, on va se faire plaisir parce qu'en 2030 glorieuse, tout est possible et on va imaginer voilà tous ces signaux faibles que tu voyais à l'époque en 2023 hein, quand on se parlait, puisque ça y est, on est une dizaine d'années ensuite et on va commencer à se projeter depuis les 2030 glorieuses. Ça va pas tarder cette conversation. On ira loin, on ira dans l'ambition la plus totale, la plus folle et j'ai hâte de voir un peu à quoi pourrait ressembler le marché de l'immobilier dans une dizaine d'années si on était vraiment à la hauteur des enjeux de notre siècle. Mais avant ça, toi, tu vas nous proposer une petite respiration. On fait toujours ça. La première partie, elle se termine avec un cadeau que nous fait l'invité. Et tu es venu avec une lecture qui recense une partie de ce que tu veux voir émerger en 2030 glorieuse. Laquelle est-ce, cette lecture, Julie? Alors, moi, je vais vous proposer, en fait, un extrait de La ferme des animaux de George Orwell. Donc, c'est un conte. C'est même plus une fable, je dirais, qui était dédiée aux enfants. Et la date de parution, elle est importante puisque on sort de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça va vous faire fortement penser aussi à La Fontaine. Orwell utilise des animaux pour dépeindre une satire de la société. Et il y a plusieurs lectures. Il dépeint en fait le régime stalinien en s'appuyant sur une ferme qui se trouve en Grande-Bretagne et les animaux ont la parole. Camarades, vous avez déjà entendu parler du rêve étrange qui m'est venu la nuit dernière. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, j'ai d'abord quelque chose d'autre à vous dire. Je ne compte pas, camarades, passer encore de longs mois parmi vous. Mais avant de mourir, je voudrais m'acquitter d'un devoir car je désire vous faire profiter de la sagesse qu'il m'a été donné d'acquérir. Au cours de ma longue existence, j'ai eu, dans le calme de la porcherie, tout loisir de méditer. Je crois être en mesure de l'affirmer. J'ai, sur la nature de la vie en ce monde, autant de lumière que tout autre animal. C'est de quoi je désire vous parler. Quelle est donc, camarades, la nature de notre existence ? Regardons les choses en face. Nous avons une vie de labeur, une vie de misère, une vie trop brève. Une fois au monde, il nous est tout juste donné de quoi survivre, et ceux d'entre nous qui ont la force voulue sont astreints au travail jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Et dans l'instant que nous cessons d'être utiles, voilà qu'on nous égorge avec une cruauté inqualifiable. Passé notre première année sur cette terre, il n'y a pas un seul animal qui entrevoit ce que signifie des mots comme loisir ou bonheur. Et quand le malheur l'accable ou la servitude, pas un animal qui soit libre. Telle est la simple vérité. Et doit-il être tout uniquement ainsi par un décret de la nature ? Notre pays est-il donc si pauvre qu'il ne puisse procurer à ceux qui l'habitent une vie digne et décente ? Non, camarades, mille fois non. Fertile est le sol de l'Angleterre et propice son climat. Il est difficile de nourrir dans l'abondance un nombre d'animaux bien plus considérable que ceux qui vivent ici. Cette ferme, à elle seule, pourra pourvoir aux besoins d'une douzaine de chevaux, d'une vingtaine de vaches, de centaines de moutons, tous vivant dans l'aisance une vie honorable. Le hic, c'est que nous avons le plus grand mal à imaginer chose pareille. Mais puisque telle est la triste réalité, pourquoi en sommes-nous toujours à végéter dans un état pitoyable ? Parce que tout le produit de notre travail, ou presque, est volé par les humains. Camarades, là se trouve la réponse de nos problèmes. Tout tient en un mot, l'homme. Car l'homme est notre seul véritable ennemi. Qu'on le supprime, et voici extirper la racine du mal. Plus attrimé sans relâche, plus demeure la faim. L'homme est la seule créature qui consomme sans produire. Merci Julie, j'avais lu ce livre assez court finalement, il y a nombreuses années déjà, et j'en avais gardé un souvenir assez vif. C'est fou comme quand en particulier on fait jouer aux animaux des rôles humains. C'est d'autant plus fort, je pense notamment effectivement bon, à toutes les fables de La Fontaine dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi à la BD Mouse qui avait fait beaucoup de bruit, avait gagné de mémoire un prix Pulitzer largement mérité, et là aussi elle traitait de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. On va tout de suite voyager en 2030 glorieuse parce que j'ai vraiment hâte de t'entendre à ce sujet. Les 2030 glorieuses, Julie, pour rappel, c'est un futur proche souhaitable où on aurait réussi, et à nous de définir ce qu'on a réussi à faire en sachant qu'on est quand même cette fois à la hauteur des enjeux de notre siècle, c'est-à-dire des enjeux écologiques, des enjeux solidaires. Je dis pas que tout a été résolu, au contraire, on a encore énormément de travail, mais on est en train de reprendre notre place parmi les vivants. On voit une société beaucoup plus épanouie, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus laborieuse dans le bon sens du terme pour justement travailler à nous mettre à la hauteur de nos enjeux, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. Bref, on va parler de tout ça. La première question que j'ai pour toi, hein, puisque notre rôle là dans les 15 minutes qui viennent, ça va être de bien décrire, de nuancer, de texturer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit depuis les 2030 glorieuses. D'ailleurs, hein, on parle au présent des 2030 glorieuses parce que les gens qui nous écoutent, elles sont restées coincées malheureusement en 2023. Donc c'est notre rôle de bien leur faire voir ce qu'on a face à nous. Et ma première question pour toi, c'est toi d'ailleurs là, en regardant par-delà la fenêtre, qu'est-ce que tu vois en 2030 glorieuses ? Je vois un ciel qui n'est pas abîmé par des tonnes d'immeubles. On a des immeubles plus petits et on a une belle vue. On a un ciel très bleu. Les toits des immeubles qui aujourd'hui, en fait, finalement, ne font plus que 3 ou 5 étages, sont blancs et reflètent parfaitement la lumière. Donc, ils s'autogèrent d'un point de vue économie d'énergie. Et des rues très très espacées, des vélos, pas de voiture, et des gens qui rient. Ouais, en 2030 glorieuse, la ville, qu'elle soit petite ou grande, elle a été repensée pour les gens plutôt que d'être repensée pour la circulation des biens et des services. Et donc, la place omniprésente à l'époque, c'était des voitures et puis le fait de pouvoir se déplacer vite pour aller produire, pour aller consommer. Les villes aujourd'hui, elles sont beaucoup plus lentes, hein. C'est la slow city par excellence, c'est ça? Exactement. Slow city, slow food. Sur certains toits d'immeubles, tu as également toute une partie pour cultiver des légumes, comme on avait il y a quand même 10 ans en arrière au Canada. C'était parti du Canada. Donc on a ça aussi en Europe. Ce qui est surprenant, c'est que tu entends du bruit dans la rue, mais en fait, le bruit qu'on entend là, c'est des gens qui rient. Et pas un bruit de voiture, pas un bruit de transport. Donc, on a beau quand même être pas mal sur la planète, ça semble très aéré. Des enfants qui jouent au ballon ou du vélo, des anciens qui font une partie d'échecs. Effectivement, on a les gens qui continuent à vivre chez eux, mais qui vivent aussi beaucoup plus dehors. Ils profitent en fait du climat. Contrairement à 2020, si tu veux, ça ressemble à ce que moi j'ai connu enfant dans les années 80. C'est-à-dire que les gens allaient dans les jardins. J'ai passé une partie de mon enfance, moi, dans un pays qui était perse. Et les gens, tu parlais d'échecs, oui, les gens jouent aux échecs. Comme je jouais aux échecs avec du thé. Donc là, dans les années 80, on avait cette habitude, il y avait moins de voitures, les transports marchaient pas autant. On a optimisé ce qu'on avait dans les années 80, début 90. On a fait quelque chose d'encore plus beau parce qu'aujourd'hui, on sait. Dans les années 80, on testait. Et on est revenu à, par exemple, les fleurs dans la rue. Ce sont des espèces qui sont pas hybrides. Ce sont des espèces originaires, enfin originales. Et on retrouve finalement des saveurs de l'enfance, des parfums de l'enfance, pour ceux qui sont un peu plus âgés aujourd'hui, puisque moi aujourd'hui j'ai 50 ans, j'ai plus 40 ans, j'ai plus 30 ans, j'ai plus 20 ans. Et d'ailleurs, bah, tu le disais, hein, effectivement, on entend le rire des enfants dans les villes, et à la fois, il y a énormément de travaux, hein, encore en 2030 glorieuse, parce qu'il a fallu radicalement modifier nos villes. On a débétonisé, tu le disais, on a réduit la taille de certains immeubles, on les a végétalisés, il y a énormément de métiers qui ont été créés pour transformer nos villes, et l'immobilier est un grand pourvoyeur d'emplois. Parce que la rénovation thermique, parce que adapter les rez-de-chaussée des immeubles pour avoir des espaces partagés avec des salons, avec des laveries, avec des garages qui permettent de partager certains objets qu'on utilise toutes et tous une fois ou deux fois l'an dans notre immeuble pour en fait remettre du lien. Et ça, c'est beaucoup de choses à transformer en fait. Il y a ce que j'aime beaucoup dans notre époque, en 2030, c'est cette notion du vivre ensemble. On avait un tout petit peu amorcé ça en 2020, mais ça s'est vraiment accéléré sur les dernières années, cette histoire de co-living et d'intergénérationnel. Donc, on a beaucoup d'espaces dans ces rues qui sont quand même aérées, où il n'est pas surprenant de croiser des papis, des mamies, des tout jeunes qui viennent aussi, qui déjà vivent dans certains types d'immeubles de partage. Donc là aussi, il y a plus cette notion d'isolement. parce que l'immobilier, je sais pas si tu te souviens, dans les années 20 quand même, et notamment dans les grandes villes, on avait beau être beaucoup, les gens étaient quand même relativement seuls quand il y avait une problématique. En 2030 glorieuse, le fait de partager comme ça, c'est non seulement ce type de construction, mais ces types de co-living dans la vie de tous les jours, ça a permis en fait de savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Donc, une personne d'un certain âge ou un célibataire, s'il y a une problématique de santé ou s'il y a juste un ennui de la vie de tous les jours, finalement, n'est plus jamais seul puisqu'il est connu de son quartier, il est connu de sa rue. Et puis, on a aussi, tu parlais de vivre ensemble. Aujourd'hui, en 2030 glorieuse, le vivre ensemble, il s'arrête pas à l'humain. Il va pour toutes les espèces non humaines. Et donc, là où il y a quelques années en arrière, le marché de l'immobilier, le milieu du bâtiment générait énormément de destruction d'espaces, de biodiversité, de bétonisation, d'artificialisation des sols. Aujourd'hui, dans la charte de déontologie de l'immobilier, on a aussi cette nécessité de ne plus construire que seulement quand il y en a vraiment l'impérieux besoin, et quand on construit à nouveau, alors on le fait de la manière la plus légère possible. On a tout le mouvement cradle to cradle qui fait que les bâtiments, on pense déjà leur destruction, leur démembrement avant même de les avoir construits, pour qu'ils laissent le moins de traces possible en fait. Ça, c'était important qu'on arrive à mettre ça en place. Ce qui était drôle là, il y a quelques années, c'est que finalement on pensait qu'on allait être incapable de le faire avant 2050 et qu'on a réussi à le faire en 2030. C'est vrai que les bâtiments ont une durée de vie et que dans les années 2010-2020, on a détruit notre planète, notre environnement sous couvert de surconstruction. Et aujourd'hui, on a cette dynamique de... on sait qu'un bâtiment peut être, et parce qu'on l'utilise de manière plus intelligente, mais différente, aura une durée de vie de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans, et que remplacer par exemple le béton par quelque chose qui va être beaucoup moins intrusif pour l'environnement, c'est fait depuis quelques années, et on reviendrait pas en arrière. Mais hors de question, par exemple, d'aller construire aujourd'hui sur des terrains où on ferait du mal, je sais pas, aux insectes, aux abeilles. On disait, je sais pas si tu te souviens de ça quand on était enfant, que si t'as pas d'abeilles dans un jardin, ça veut dire que y a une problématique qui est importante et que c'est un endroit qui mourra. Donc pour nous, aujourd'hui, sur tout le territoire, que ce soit du tissu urbain, que ce soit du tissu rural, hors de question de construire comme on a pu le faire dans certaines décennies. Et puis, ça avait déjà commencé, hein, peut-être que tu t'en souviens, après la grande crise sanitaire du Covid, notamment avec des grands mouvements de personnes qui libéraient les villes au profit de la province, des campagnes. Et ce mouvement, il a continué. Hein, on a eu un grand retour à la petite ville, qui a permis de limiter la pression urbaine, de reprendre aussi certains logements qui avaient été abandonnés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces grands mouvements entre ville et campagne qui ont été réalisés ces dernières années? Il y avait, et ça c'était assez affligeant, j'avais beaucoup de mal à comprendre ça, mais il y a quelques années, il y a quand même sur le tissu français, le tissu immobilier français, des endroits qui étaient laissés à l'abandon. Et il y a une loi qui avait été passée après la Covid. Vous pouvez m'excuser, j'ai un chat dans la gorge. et pas mon chat. Encore des chats dans la gorge en 2030 glorieuse, on t'excuse tout à fait. Et oui, j'ai encore des chats dans la gorge, même si on respire mieux. Mais c'est vrai que cette fameuse loi climat, elle avait aussi quelques articles sur ces fameux bâtiments laissés à l'abandon et que l'État voulait remettre en phase d'un point de vue énergétique pour les recommercialiser. Donc, on savait qu'on avait quand même un bastion de logement qui permettrait d'avoir une vie plus joyeuse, plus, je dirais, respirante. Moi, je suis provinciale, sur régional même, je préfère le mot régional. J'ai grandi dans des jardins, avec, dans une maison, avec des potagers, des arbres fruitiers. Et c'est vrai que les Français, au moment de la Covid et après Covid, on a vu ces flux de d'habitants de métropole aller vers peut-être des villes moyennes, des villes plus petites et même des hameaux, ce qui est assez surprenant, hein. Là c'est vraiment une scission sur la vie qu'ils avaient pu avoir précédemment. Et on s'aperçoit aujourd'hui, les premiers, il y a eu un aller-retour parce que on avait un mode de vie, un mode de consommation qui était peut-être pas forcément prêt à abandonner tout de suite. Mais les années qui ont suivi la Covid, là, ça faisait vraiment partie d'un engagement. Or, les gens sont restés, ont fait des enfants, ont créé un autre mode de vie et ont réinvesti finalement ces fameux logements qu'on n'utilisait pas, en ont créé d'autres plus équitables. On voit que ce ne sont que des bâtiments ou des logements qui sont A ou B, donc ça c'est les normes énergétiques, hein. Les petits jardins, enfin c'était nécessaire, ça continuera de toute façon, parce que, comme on le disait tout à l'heure, dans les 2030 glorieuses, on a aussi cette éthique d'avoir des bâtiments qui correspondent. Et si on doit les détruire et réinvestir les matériaux qu'on avait sur ces bâtiments, on le fait. Mais ces villes, oui, ces flux migratoires, on s'attendait, la Banque mondiale nous avait alerté juste au moment de la Covid sur des flux migratoires de 250 millions d'habitants sur la planète. Alors, il y avait un petit bémol. Ils expliquaient que ça se faisait en interrégion. Aujourd'hui, en 2030, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont découvert d'autres régions, qui se sont super bien intégrés, qui font aujourd'hui, grâce à leurs habitations, font véritablement partie, et leur mode de vie, font partie de régions qui étaient très très loin de ce qu'ils étaient, et où on n'aurait jamais imaginé les voir. Et aujourd'hui, être agent... ou agente immobilier, immobilière, c'est plus du tout le même métier. Avant, l'agent immobilier, il était commerçant, spéculateur presque. Aujourd'hui, l'agent immobilier, il est planificateur, il est connecteur, faiseur de liens, il a presque tout un travail sociologique d'analyse des besoins de ses clients et de la réalité des endroits où il va les emmener. C'est plus du tout le même travail. L'analyse sociologique, elle était censée, dans le métier, on a toujours été censé la faire. Cependant, c'était pas fait, puisque, et tu le dis parfaitement, il y a eu quand même une trentaine d'années où l'immobilier, c'était de la spéculation, c'était juste de l'argent. Il y avait un côté mercantile qui était assez détestable. Aujourd'hui, l'agent immobilier, l'acteur, moi je préfère l'acteur ou l'actrice parce que on a plein de types d'acteurs. Non seulement dans son apprentissage, il a cette notion du mieux vivre ensemble, il a des cours d'anthropologie, il a des cours de sociologie, il est censé, il ne fonctionne plus en one shot, la clientèle est accompagnée à vie avec ses demandes, on lui demande également d'avoir des vraies connaissances sur l'éco-responsabilité, chose qu'on n'avait pas du tout il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on nous disait, voilà, pour les très très bons, peut-être, vous avez telle notion de sociologie ou telle notion sur le bâtiment, vous avez le droit de temps en temps de l'utiliser. Aujourd'hui, l'acteur ou l'actrice immobilier, c'est limite un ingénieur de la vie des gens. Il doit avoir des compétences. Il doit aussi, dans cette dynamique de on vit tous en bonne entente, privilégier le co-living à l'individu seul. Donc on a aujourd'hui c'est plus des penseurs de l'immobilier et c'est pour ça qu'ils sont efficaces auprès de la clientèle. Ils ont pris enfin ce temps d'observer la société, je dirais, comme une fourmilière. Si tu n'observes pas, en fait, les intervenants sur lesquels tu vas interagir, et on le faisait pas en 2010, en 2020, même avant, aujourd'hui, c'est nécessaire avant toute action. Et c'est ça qui est fantastique. Et toi, Julie, tu fais quoi en 2030 glorieuse? Je suis à la retraite. Non, c'est possible. 2030, on va dire que j'aurai écrit 5-6 livres. Peut-être je serai dans le sud de l'Europe avec plein de chats. J'irai nager tous les matins. J'aurai un petit jardin. Et je profiterai en fait des gens qui sont importants dans ma vie. Mais dans des bons moments, pas via webcam. C'est de la slow life, en fait. Là, la route, Julie, pour les personnes qui nous écoutent, elle est encore longue. Et donc, s'ils ont envie de tendre vers ces imaginaires qu'on a ouverts avec les 2030 glorieuses qu'on a dessinées le temps d'une conversation, qu'est-ce que tu leur recommanderais comme premier pas ou pas supplémentaire, même depuis les 2023 où elles sont, toutes ces personnes, pour justement aller déployer le plus rapidement ces 2030 glorieuses? Alors, il y a différents sujets, en tout cas pour mon domaine, mais c'est clair que pour les personnes qui vont faire partie des 250 millions de personnes à changer d'environnement de vie, soyez hyper vigilants, soyez acteurs de ce moment, choisissez, si c'est du neuf, les bons promoteurs les plus éco-responsables. N'hésitez pas, aujourd'hui, le marché il s'est renversé. Donc, vous avez la main, c'est pareil, quand vous reprenez peut-être quelque chose de plus ancien, c'est important d'avoir en tête qu'on arrête de faire de la consommation rapide. Et l'immobilier en faisait partie aussi, hein. Donc, informez-vous, il y a plein de belles actions, il y a plein de gens qui travaillent et qui ont ce sens de j'ai envie d'avoir une vie correcte et j'ai surtout envie de vivre. Et pour pouvoir vivre, en fait, faut changer beaucoup de paradigmes, et le logement en fait partie. Donc, redevenez absolument acteur de ce moment de vie. Parce que j'ai cette vague impression, mais depuis des années, que finalement, vous subissez. Or, c'est pas du tout légitime, et c'est surtout pas normal. Merci Julie. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur sacommencepermoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !